viagère, meilleur de chien. Ça pique, mais ça arrache. J'aurais dû faire gaffe à la marche. Je vais péter un cup et j'ai pété dans mon cartage. Mais là, je peux vraiment plus. Je vais crever si ça continue. J'ai mal aux dents. Chadal et moi, chez le docteur. Il m'a dit revenez dans trois quarts d'heure. Il m'a fait un toucher rectal. Il a mis son doigt dans mon anal. Mais là j'en peux vraiment plus. Je vais crever si ça continue. Je vais péter un câble. Et j'ai pété dans mon cartable.